Bonjour à tous. Aujourd'hui, Merlan façon Bercy pour 4 personnes. 4 merlans de 200 g, 50 g de beurre, 4 échalotes émincées, 1 quart de vin blanc, 1 quart de fumée de poisson, un jus de citron, du persil hacé, du sel et du poivre. Demandez à votre poissonnier de fendre le poisson par le dos, de la tête à la queue, pour en extraire l'arête centrale qui facilitera la cuisson. Les coucher dans un plat beurré avec l'échalote, mouillé au vin, plus fumée de poisson, plus 15 g de beurre. Cuisson au four 180 degrés 10 minutes. Dressez le poisson sur les assiettes chaudes. Faire réduire le jus de cuisson. Il doit devenir sirupeux. Ajoutez le beurre froid restant, un autre jus de citron, le persil et nappez le poisson de ce jus. Garniture pomme vapeur, un petit vin conseillé, un lirac blanc à boire avec modération.